Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM, que j'ai intitulée Alimentation en eau potable. Alors j'ai découvert, ou plutôt redécouvert, une brochure du comité de bassin Rhin-Meuse. Puis je pense que les commentaires qui ont pu être faits, enfin cette brochure est intéressante puisqu'on est en période de sécheresse et puis qu'on peut se poser des questions sur les approvisionnements futurs, y compris d'ailleurs en eau potable, hein, surtout si le réchauffement climatique se fait sentir un peu plus tous les ans. Hein, c'est rare quand même qu'on ait deux années de sécheresse comme c'est le cas actuellement, hein, parce qu'une année de sécheresse dans le massif vosgien, c'est encore assez facilement supportable. Deux, bien sûr, les nappes phréatiques ne sont pas forcément reconstituées, surtout que les hivers sont de moins en moins enneigés, du moins à basse altitude. Alors, l'agence de bassin parle de reconquête et préservation des captages d'eau potable. Les captages font l'objet de plusieurs types de protections. La reconquête ou la préservation de la qualité des ressources en eau en vue de la distribution d'une eau de qualité est une préoccupation forte en termes de santé publique. Et on peut dire que la plupart du temps en France, hein, sauf dans certaines régions, l'eau du robinet est quand même quelque chose de fiable. Hein. On n'est pas dans des pays où on doit se méfier de la consommation d'eau. On doit, au contraire, surtout par les temps qui courent, hein, par la chaleur qui fait, boire beaucoup d'eau, et beaucoup d'eau du robinet. Hein, parce que la plupart du temps, l'eau minérale correspond plutôt à une prescription, j'allais dire, médicamenteuse, qu'à la consommation quotidienne. Et l'eau du robinet est tout de même suffisamment potable, surtout dans notre Vosges, pour en consommer largement. Les captages d'eau potable font l'objet d'une protection renforcée à plusieurs niveaux, chaque niveau visant un objectif de protection particulière. Alors, que dire par rapport à ça, hein? Bon, bien sûr, cette brochure que vous pouvez vous procurer assez aisément fait état de ces procédures, hein, de captage. Les périmètres de protection font l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Les périmètres de protection de captage, article L1321-2 du Code de la santé publique, visent principalement à éviter l'impact de pollution ponctuelle, qu'elle soit chronique ou accidentelle, en éloignant les sources potentielles de ces pollutions des points de captage. Ces périmètres sont déclarés d'utilité publique et fixés par arrêté préfectoral. Les servitudes peuvent renforcer la réglementation générale applicable aux différentes activités, installations et dépôts ou les interdire. Voilà, et ça c'est véritablement la légalité. Maintenant, bien sûr, il y a quelquefois un certain laxisme par rapport en particulier aux industriels pour l'application de mesures strictes légales, hein, par rapport à des pollutions de l'eau. Voilà, puis que dire encore, ben, certains produits, bien sûr, ne sont pas décantés par les agences de bassin, hein, en particulier des médicaments et des contraceptifs. Et là, on peut le retrouver quand même en quantité limitée, bien sûr, dans l'eau courante. Mais ce n'est pas le cas, bien sûr, des captages sur les Hauts-de-Vosges, puisque la plupart du temps, le captage est direct, et donc, que ce soit les nappes phréatiques ou les cours d'eau, les sources n'ont pas été contaminées par des apports domestiques, j'allais dire, ou très peu. Le nombre de captages ayant une déclaration d'utilité publique augmente progressivement dans le bassin, mais reste insuffisant. C'est notre bassin, hein, qu'il s'agit. Dans le bassin Rhin-Meuse, sur les 3731 captages du bassin, seulement 69% environ ont une déclaration d'utilité publique relative à l'instauration des périmètres de protection pour un objectif fixé à 100% fin 2010 sur le plan national santé. Donc on n'a pas atteint l'optimal qui était prévu. Parce que les contaminations peuvent être aussi par des animaux, par exemple, hein, par des déjections animales. Il représente environ 75% du volume d'eau distribuée. Voilà, donc 69% une déclaration d'utilité publique pour 75% un volume d'eau distribuée. Donc il y a encore des efforts à faire puisque c'était en 2010 qu'on aurait dû atteindre les 100% de déclaration d'utilité publique. Et puis bien sûr, son corollaire par rapport au volume d'eau distribuée. Que dire encore ? La protection des aires d'alimentation de captage, un complément indispensable au périmètre. Les zones de protection des aires d'alimentation des captages mentionnées au cinquième alinéa de l'article L2 de l'article L211-3 du Code de l'environnement visent quant à elles les pollutions diffuses. La surface de ces zones dépasse largement celle du seul périmètre de protection rapproché, puisqu'elle peut, par définition, correspondre à la totalité d'une aire d'alimentation. Ces zones de protection correspondent aux surfaces sur lesquelles l'eau qui s'infiltre ou ruisselle alimente une ressource en eau utilisée pour l'alimentation en eau potable, dont la protection représente un enjeu important et où les modes de gestion du sol déterminent l'atteinte des objectifs de qualité fixé par le DAGE, c'est l'organisme donc compétent. Et que dire par rapport à ça, hein, simplement une petite réflexion, hein, sachant que ben, la pollution peut venir quelquefois de très loin par les eaux de ruissellement. La protection des ressources en eau destinées à la consommation humaine nécessite que des actions prioritaires, le cas échéant renforcées par rapport à ce qui peut être fait ailleurs, soient conduites dans ces zones. C'est le cas, par exemple, en Bretagne, où le taux de nitrate est quand même alarmant et où la France est condamnée régulièrement par l'Europe par rapport à la qualité de l'eau. Alors, 287, mais là c'est l'agence, c'est notre agence, hein, Rhin, qui parle. 285 captages sont signalés dans les SDAGE, Rhin et Meuse, dont 260 pour cause de dégradation et 25 au titre d'un enjeu de préservation de reconquête. Une centaine sont classées Grenelle et correspondent à 54 champs captants sur les 507 identifiés pour l'ensemble du territoire national. Un champ captant constitue une seule entité du point de vue de l'exploitation de la ressource, mais peut comprendre plusieurs captages. Les captages à problème incluent environ 150 captages supplémentaires qui sont en voie de dégradation. Voilà, les objectifs du stage Rhin et Meuse dans ce domaine sont d'obtenir au plus tard en 2015, c'est passé, je ne sais pas si c'était réalisé, dans les aires d'alimentation des captages, une ressource dont l'État permet d'assurer doublement la fourniture d'une eau potable de qualité et avec un traitement simple. Voilà, voilà, c'est intéressant. Ah oui, il faut quand même qu'on parle, qu'on termine sur les nitrates et pesticides, principalement l'origine de l'abandon des captages. Une cause d'abandon de captage utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine peut être multiple et parmi elles, certaines sont tout à fait justifiées. Faible productivité, vulnérabilité du captage, elles peuvent ainsi conduire une collectivité à abandonner un captage. En France, la principale cause d'abandon de captage est liée à dégradation de la qualité de la ressource en eau. 39% des causes d'abandon. Parmi les paramètres qualitatifs, les pollutions diffuses d'origine agricole, nitrates et ou pesticides, sont à l'origine du plus grand nombre d'abandons. 18% des causes d'abandon, la microbiologie et la turbidité arrivant en seconde position, 13% des causes d'abandon. L'abandon pour cause de mauvaise qualité de la ressource est un constat d'échec en termes de perte de ressources et d'insuffisance de prévention, d'où la nécessité de renforcer ces actions de prévention. Voilà, dans le bassin Rhin-Meuse, environ 300 captages ont été abandonnés. C'est quand même assez considérable. Entre 1998 et 2008, environ 6% du nombre total des captages abandonnés en France sur la même période. Voilà. Alors, il y a toute une carte de France hein, pour celui qui veut se procurer la revue. Donc, c'est la revue Rhin-Meuse. Hein, je m'arrête là parce que ça sera un peu long de parler aussi de la qualité des eaux distribuées sous surveillance, à la contrôle de la qualité de l'eau et de l'information des usagers. Et une eau distribuée conforme à 99% aux exigences de qualité quand même. Il y a le problème des médicaments qui était quelquefois abordé, qui ne concerne pas directement, pas trop directement dans les Hauts-de-Vosges. Et puis la qualité de l'eau potable distribuée s'est améliorée au cours des 10 dernières années. Ça paraît également une évidence avec tous les traitements, avec tous les contrôles qu'il peut y avoir sur l'eau potable. Alors, une conclusion quand même, je pense que l'eau du robinet est particulièrement potable dans la plupart des régions de France, hein, surtout la nôtre, bien sûr, notre périmètre des Hauts-de-Vosges. Mais que ça reste à surveiller. Et puis, dans des périodes de sécheresse comme en ce moment, ben, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas à la fois laver son auto, arroser le maïs à profusion et puis distribuer de l'eau potable. Hein, parce que c'est quand même un peu malheureux aussi que de savoir que l'eau potable va servir aussi bien à rincer les WC qu'à arroser les cultures agricoles. Hein, en sachant bien que les gros consommateurs d'eau sont quand même les agriculteurs. Et puis, en ce qui concerne une partie des Vosges, eh bien sûr, l'embouteillage des eaux dites minérales, enfin, des eaux de source plutôt, puisque l'eau minérale n'est pas... Là, il y a des quotas. Par contre, sur les eaux de source, on puise beaucoup trop. Vittel, par exemple, enfin, le groupe Nestlé, qui est seul sur les Vosges, puise beaucoup trop dans la nappe phréatique et provoque des pénuries d'eau, la remontée d'une certaine forme d'arsenic dans les grès des Trias. Et là encore, on peut s'alarmer quand même. Mais enfin, bon, pour nous consoler, c'est du côté de la Vosges et du côté de la plaine vosgienne. Et ça ne concerne pas directement, mais en tant que citoyen, ça doit nous concerner directement quand on privilégie le profit par rapport à la ressource en eau sur un département. Voilà de quoi méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.